Bakal City, Bakal City. DJ Air. Is it? Adieu mon pays. Chantal et Al, le parvis. Journal R8 à Bolbe. Loin est le temps du silence, t'es pas à n'oublier. Adieu mon pays. 9, 2, et, et. Tous les jours en charbon, on pied, et. J'suis en Ligue des Champions contre Chelsea. J'prends des millions, j'prends des selfies. La suite, la flé, aimée de ma celle-ci. J'suis en Dieu, mais j'ai la belle vie. Zik, so air, missile, sol air, on apprécie. Adieu mon pays. Adieu mon pays. Bakal City, Bakal City. Adieu mon pays. Bakal City, Bakal City. Adieu mon pays. Même loin, j'irai toujours à les parer. Cousin, j'y trouverai jamais à libérer. Adieu Gorée et le mépris. À les détester, je me détruis. À coup de fusil, je reconstruis. Je veux me forger, décrocher le premier prix. Les retours zombies de boîte de nuit. Perdu dans le cul d'une gagne et vers de la semi. J'suis diamant en Roski. Mon amour pour cette terre n'est pas plus grand que Sarkozy. Je pars libre, je suis l'élite des années gros. Mets-toi dans le cul, ton vélib, hasta luego. Adieu mon pays. Adieu mon pays. Bakal City, Bakal City. Adieu mon pays. Bakal City, Bakal City.